Et maintenant, c'est l'invité explosif. Alors Yann, tu es là pour nous parler, t'as plein d'infos, j'ai vu que t'as une bande dessinée, t'as un roman, tu veux nous parler de quoi d'abord? Le roman? Le roman qui sort septembre, c'est ça? Il y a un roman, ouais. Alors en fait, mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'activités en même temps. J'aime bien faire plein de choses en même temps. T'es hyper actif. Peut-être. Et du coup, actuellement, oui, j'ai un roman sur lequel je suis en train de commencer à faire des corrections. D'accord. Qui normalement est prévu pour septembre, qui est la suite d'un tout premier roman. Qui s'appelait Réminiscence. Le petit cheval de manège. Édition des papilles. Bientôt adapté au cinéma. Qui était sorti en 2012. Je te le dis, j'ai l'info. Ah d'accord. Donc ça sort en septembre 2016. C'est ça. Et j'ai vu que tu étais sur une BD également. Oui. Space Opera. Alors celle-là, c'était ce qui était prévu et finalement ça ne s'est pas fait parce que j'ai pas trouvé de dessinateur à ce moment-là. Pour une BD, c'est embêtant. C'est un petit peu compliqué. Ou plutôt si j'en avais trouvé un, mais le problème c'est qu'actuellement le dessinateur pouponne, donc d'ailleurs je lui passe le bonjour. Bonjour pouponne. Et en fait, ce dessinateur-là, j'ai commencé réellement à travailler la bande dessinée avec lui. Donc, assez régulièrement, je vais vers lui justement pour des projets. Mais comme il est très occupé dans sa vie de famille, bah voilà. D'accord, donc tu es à la recherche d'un dessinateur. On peut faire passer le message. Alors, je cherche assez souvent des dessinateurs, mais là, le truc, en fait, c'est que c'est pour un fanzine. Donc, du coup, là, j'ai un délai, donc ça y est, il est dépassé. Ah, d'accord. Donc là, pour le coup, c'est... C'est parce qu'on a un super auditeur qui nous fait des petits dessins des fois. Lucas, oui, c'est sans vrai S, d'ailleurs. Ouais. Lucas sans S vient de tweeter bande dessinée. Waouh! Voilà, il est très intéressé par ton activité. Ah bah, on les mettra en contact. Dessins, donc hashtag Pantex, n'hésitez pas. Salut Lucas, capitaine sans S. Exactement. Et tu sors en dédicace, j'ai vu en mai, à Saint-Chéron. Voilà, Saint-Chéron. Alors, c'est en fait une petite ville qui est juste à côté de chez moi. Et comme il y a une grosse fête qui est organisée, ils ont décidé de faire une petite partie de dédicace pour des auteurs. Donc, d'accord. Voilà. Et le 4 et 5 juin, tu es à la deuxième édition du Festival du Livre de Poitiers. C'est ça. La dédicace aussi, je suppose. Grosse dédicace. Et vente de livres. J'espère. Et le 18 à Brétigny. C'est ça. En région parisienne. Ouais. Dans l'Essonne, non? Ouais. Sur Orge. Sur Orge, c'est ça. Et alors, on peut dire que tu t'auto-édites. C'est ça. Alors justement, c'est... Toto? Oh là là. Il a des blagues de plus zéro. Je m'auto-édite. Tu t'auto-édites. En fait, c'est. J'avais envoyé mon premier manuscrit à des éditeurs, comme tout le monde. Naïvement, j'ai cru, comme tout le monde, que les éditeurs allaient prendre. Et comme tout le monde, je me suis pris un râteau. Voilà, un gros râteau. Donc, du coup, j'ai abandonné mon bouquin. Et 6 mois plus tard, je l'ai repris par hasard. Je l'ai relu, je me suis dit, tiens, finalement, c'est peut-être pas mal de passer par cette étape-là. Donc, j'ai cherché la manière de faire. Et puis après, voilà, je me suis lancé dans le truc en me disant, bah, de toute manière... Pourquoi pas. Si ça marche, j'aurai plus le livre. Si ça ne marche pas, bah, j'aurai 50 bouquins sur le dos, puis voilà. Et donc, on peut les retrouver sur ton site. Je ne l'ai pas noté, mais c'est yann-perez.fr, je crois. Ça marche. Donc, si vous voulez trouver les livres de Yann, c'est sur page Facebook également et sur ton site internet. Ouais.